Bonjour et bienvenue dans cette 8e vidéo de méditation semi-guidée. Aujourd'hui, on va explorer ensemble le sentiment de détachement. Pour commencer, tu vas prendre ta position habituelle. Tu peux éteindre ton téléphone portable, vérifier que la batterie de ton ordinateur est suffisante, puis t'éloigner de ton ordinateur. Et prendre une position confortable, assise en demi-lotus ou en lotus. Tu peux fermer les yeux, garder les mains sur les cuisses, paumes tournées vers le sol. Et commencer à respirer lentement et calmement. Pour commencer cette méditation, tu peux te concentrer sur une personne que tu aimes. Et tu vas imaginer que cette personne disparaît. Tu peux imaginer qu'elle meurt, tu peux imaginer qu'elle s'en va et qu'elle ne revient pas. Concentre-toi sur le sentiment que cette disparition provoque en toi. Imagine cette personne extrêmement proche de toi, cette personne que tu aimes. Imagine qu'elle disparaît. Tu vas maintenant imaginer qu'une autre personne, un autre ami, peut-être quelqu'un de ta famille, quelqu'un de proche, quelqu'un que tu aimes, tu vas imaginer que cette autre personne disparaît également. Imagine maintenant que le monde autour de toi se transforme en cendres. Imagine que le monde autour de toi s'effondre. Imagine que les gens que tu connais et ceux que tu ne connais pas disparaissent. Observe la sensation que ces disparitions provoquent en toi. Concentre-toi maintenant sur le fait que ces personnes et ces choses que tu as imaginées disparaître vont bien disparaître un jour, et que ce que tu as imaginé est bien réel, et que ce n'est qu'une question de temps. Observe maintenant tes pensées apparaître et disparaître en toi. Observe également tes sensations disparaître. Concentre-toi sur ta conscience, sur ton moi. Est-ce que tu ne vois pas ta conscience disparaître à chaque instant également? Essaye de ressentir ta conscience disparaître à chaque instant. Vois comme ton moi apparaît, puis meurt à chaque instant. Entends le son de ma voix disparaître à chaque fois que tu l'entends. Qu'est-ce que cette disparition des choses t'évoque? Quel sentiment cela produit en toi? Garde cette conscience de la disparition et de l'éphémère, et médite seul sur ce sentiment de vide, ce sentiment d'abandon. Ce sentiment de détachement. Si tu n'y arrives pas et que tu essayes habituellement d'échapper à ce sentiment, demande-toi simplement pourquoi est-ce que tu veux échapper à ce sentiment. Pourquoi ne pas accepter le caractère éphémère de toutes les choses? Pourquoi ne pas vouloir le ressentir et le regarder en face? Serais-tu plus heureux si tu pouvais l'accepter? Concentre-toi sur cela jusqu'à la fin de la méditation. Tu peux maintenant ouvrir les yeux, lentement. Est-ce que tu ressens les choses différemment maintenant par rapport au début de la méditation? On se retrouve demain pour une nouvelle séance de méditation avec de nouvelles instructions. Passe une très bonne journée.